Ça va pas ce tempo? Ça va pas là. Je vais pas caler cette batterie là. Il y a un problème avec la batterie. Ah, okay.